Et que quand les syndicats le font grève, il n'y a plus d'éducation. Le moment de Régent, avec Régent Breton. C'est tellement évident. Bam, bam! Régent Breton, comment ça va? Ça peut pas aller mieux. C'est pure merveille, hein? Les péquistes n'ont jamais été si drôles. Ouais. Et puis les syndicalistes, eh bien... C'est pure beauté, quoi. J'ai pensé pure à toi. Beauté, on va en parler, j'imagine. Pensé à toi ce matin, Ronald Martin, donc président du syndicat des pompiers de la ville de Montréal. Suspendu, j'ai un extrait à te faire entendre, puis par la suite, on commente, on écoute. Vous sachiez que nous, avec l'ensemble du monde, l'ensemble du mouvement syndical, surtout à Montréal, et ça a pris d'autres ampleurs, je peux vous dire que ça dépasse la frontière de la province de Québec, c'est quand même une journée sombre. Ça fait la première fois qu'un président de syndicat, dans son action syndicale, est suspendu, qui prenne, mettons, à cause que je suis officier au service, que ce qui était fait n'aurait pas dû être fait, il me rend responsable pour tout, et on n'a même pas la conclusion des tribunaux. Alors, au Québec, je pense que la présomption d'innocence compte encore. C'est vraiment un message dégradant qu'il envoie aujourd'hui. Donc, il y a d'abord un flux verbal. Là, ça dépasse les frontières du Québec. Je m'excuse, pas vraiment. Là, mais... D'abord, la présomption d'innocence, faudrait lui dire que la présomption d'innocence est au criminel. Exactement. Par ailleurs, étant suspendu, ça, c'est une décision de relation de travail. Exactement. Alors, ça n'a rien à voir, bien sûr, mais surtout, c'est pas ça qui est le plus important. Essayons seulement d'imaginer, et ça, ce serait le fun en maudit, j'espère que les gens vont en prendre conscience. Imaginons que les payeurs de taxes, qui n'ont pas de fonds de pension. Essayez d'imaginer un peu ce que ça peut vouloir dire par rapport aux fonds de pension des policiers et des pompiers. Alors, imaginons que les payeurs de taxes, ceux qui vont taper les conditions de retraite et de sécurité d'emploi des syndiqués du municipal, décident d'envahir l'hôtel de ville de Montréal parce que les négociateurs du côté patronal ont finalement accordé, donné encore tout ce que les syndicalistes voulaient. Et puis, qui se mettent à tout briser à l'hôtel de ville, comme les syndicalistes ont fait. Essayons d'imaginer un peu la réaction des syndicalistes. Eh bien, c'est toujours la même histoire. Eux, il n'y a pas de loi qui... Pour eux, il n'y a pas de loi qui s'applique. Ils sont scandalisés quand la loi s'applique. Et d'ailleurs, l'histoire du Québec depuis 50 ans, c'est exactement ça. Lui, il dit, regarde, c'est une première. Jean, il dit, c'est une première. Il n'y a jamais eu un président de syndicat qui a été sanctionné comme ça pour action syndicale. Je m'excuse, voilà. Des années 70, il y en a qui ont fait de la prison, là. Oui, mais alors là, c'était des héros. Ils auraient payé pour en faire de la prison. Vraiment, ils faisaient de la prison, mais à la télévision. C'était pure merveille. C'est un peu comme les étudiants quand ils font grève et que, bien sûr, ils provoquent les policiers, ils leur tirent des roches. Et puis ensuite, ben voilà, les policiers réagissent et ils sont victimes. Leur rêve, c'est d'être, bien sûr, embarqués par les policiers pour devenir des héros. Deviennent des martyrs un peu, hein? Deviennent un peu des martyrs, Régent, là. Ben, c'est ce qu'ils veulent. Oui. C'est ce qu'ils veulent, effectivement. Puis des martyrs faciles. Je dis pas si c'était des vrais courageux, mais c'est la facilité totale. Ils risquent rien, vraiment moins que rien. Et puis, en plus, ben, ils pensent pour des martyrs. Parce qu'encore une fois, il faut se mettre dans une situation pour... Alors, eux, là, il faut se mettre dans une situation où ils sont les victimes. Alors que la réalité, ce sont toujours... Mais alors, ce sont toujours eux qui ne respectent pas la loi. Ce sont toujours eux qui imposent par la violence verbale. Dieu sait que la violence verbale, ils en sont adeptes. Je dirais seulement 5% de ce que les chefs syndicaux disent, et puis je passerai pour l'horreur. On va écouter un autre extrait, si tu permets, Régent, de Ronald Martin. Ça, c'est un petit peu plus tôt ce matin. C'est lors de son point de presse. On écoute. Parfois, quand tu exerces le pouvoir, il faut que tu t'élèves au-dessus de la mêlée. Puis j'ai comme l'impression présentement qu'il y a du monde en pouvoir présentement qui ne sont pas capables de l'exercer. Alors, il va falloir que quelqu'un ouvre les yeux pour voir ce qui risque de se passer. Parce que on n'est pas en train de diviser le mouvement syndical, on est en train de le solidifier, on est en train de le solidariser plus que jamais. Alors, il va falloir qu'ils comprennent ce message-là. Sur ce dernier volet-là, j'y donne raison. Tantôt, ça va brasser anti-péché. Puis Moreau, peut-être qu'on trouve qu'il fait une bonne job. On verra s'il fera cette job-là jusqu'à la fin. Puis on verra si Coderre a la coindure jusqu'à la fin. Parce que ça ne fait que commencer. Qu'est-ce que t'en penses, Jean? Écoute, Dominique, il faut finir par... Il va y avoir un affrontement. Et probablement qu'il doit avoir lieu, cet affrontement. Parce qu'on peut pas continuer à subir leurs lois. Ils sont une minorité. Et de plus en plus, d'ailleurs, ils ne sont que dans le secteur public, blindé, sécurité d'emploi, et puis fonds de pension, pure merveille. Alors, la game, ça va devenir le privé contre le public. Le privé contre le public syndiqué, les payeurs de taxes versus les blindés syndiqués. Qu'est-ce qu'on fait là-dedans, et les gens, les payeurs de taxes? Va devoir avoir lieu. Et d'ailleurs, je rêve d'une élection, Dominique, je rêve d'une élection qui ne porte que là-dessus. On fait quoi, nous autres, les payeurs de taxes, Régent? On fait quoi? Parce que là, ils vont envahir le centre-ville de Montréal, puis ça va s'intensifier, puis ça va être pire que le printemps des carrés rouges. D'ailleurs, les étudiants vont s'en mêler. L'AC a déjà statué là-dessus, ils vont s'en mêler. Les radicaux avec la CSN, la FTQ va s'en mêler, je te le dis, là. Qu'est-ce qu'on a à faire, nous autres, là-dedans? Qu'est-ce qu'on a à faire? On va être pris en otage encore là-dedans, en sandwich? Éventuellement, faudra faire la grève de payer la taxe de, parce que on peut maintenant le quantifier ce que ça coûte, ces fonds de pension complètement fous, surtout le secteur municipal. Alors, éventuellement, un regroupement de ceux qui n'en ont pas de fonds de pension, déterminés, eh ben, eux, bien sûr, Il faut falloir qu'on finisse par se mêler de nos affaires. C'est que l'avantage des syndiqués... sont organisés. Bien sûr, ils sont minoritaires. Dans le secteur public, c'est 18 % de la population. Mais sont organisés en maudit, par exemple. Sauf qu'ils sont hyper organisés. Exact. En quelques heures, ils peuvent regrouper l'ensemble de leurs membres. Alors que du côté privé, bien sûr, chacun de nous, on fonctionne individuellement. Probablement que... il va falloir commencer à penser à se regrouper. Il y a déjà des regroupements, mais c'est pas assez. C'est pas organisé pour une raison bien simple, encore une fois. On travaille. Parce que les gens s'occupent de leurs affaires. Mais là, il va falloir qu'on s'occupe davantage des affaires collectives. Régent, tu es le ministre Moreau. Jusqu'où tu es prêt à aller pour gagner? Je ferai très, très peu de concessions pour une raison bien simple. D'abord, les retraites. C'est une question qui est occidentale, dans tout l'Occident, pour ne pas dire dans le monde entier. Les boomers se sont installés, et puis plus ils étaient installés, plus ils se sont donné des conditions, et de travail, et ensuite de retraite, qui étaient de plus en plus inacceptables. Il faut savoir que, maintenant, les retraités du public vont devenir la classe supérieure de la population. Alors, bien sûr, non, moi, je cède pas, pour une raison toute simple, de toute façon, ce ne sera pas possible. Santé et fonds de pension, j'aime autant dire que c'est la game des prochaines années, mais le danger pour les boomers et leurs alliés, c'est qu'éventuellement, il y a un raz-de-marée, qu'il y a une réaction, qu'il y a un backlash du côté de la génération qui vient après. Moi, ce qui m'inquiète, c'est les forces de sécurité. T'as vu les policiers à Montréal, en habit de clown, les pompiers, on est en train de voir ce qui se passe. Le ministre Moreau devrait aller jusqu'où? Tu sais, à un moment donné, il va y avoir un bordel. Il se tourne du côté de où? Est-ce qu'on peut encore faire confiance aux policiers de Montréal? Il va se tourner où? Il s'en va où? Jusqu'où il devrait aller? Il faut savoir jusqu'où ne pas aller trop loin, et je parle pas du ministre Moreau. Je parle des syndicalistes. Il faut savoir jusqu'où ne pas aller trop loin. Et je pense que déjà, ils ont débordé. Mais s'ils accentuaient encore... Où est la ligne, Régent? Parce que, oui, tu me dis, le danger est de ce côté-là, mais le danger pour les syndicalistes, c'est qu'ils provoquent une telle rage face à ceux qui n'ont pas ces privilèges et qui sont obligés de payer... qu'éventuellement le regroupement se fasse et que bien sûr eux perdent toute crédibilité. Moi, je suis plutôt optimiste, mais c'est sûr qu'on est à une époque charnière, c'est-à-dire que les syndicalistes qui ont le pouvoir au Québec depuis 1960 semblent que ça leur échappe de plus en plus et ça va leur échapper de plus en plus. Et puis, ils résistent, bien sûr. Il y aurait une comparaison à faire avec la France, hein, c'est-à-dire que on est des Latins, on est des Français, et puis nous, les changements, tout n'est que droit acquis, alors que la société change, et il n'y a pas plus conservateur que droit acquis. Il nous reste 4 minutes, Régent. Le PQ, c'est la débandade. Pierre-Carl Péladeau, qui garde le silence là, actuellement, il a parlé sur Facebook la fin de semaine. Lisez, qui est parti en vacances avec sa famille, question de se faire prendre en photo, puis il va nous montrer sûrement ses photos de lui, avec lui-même en revenant. Puis là, la Martine Ouellet, elle est toute excitée parce que là, l'appui de Option nationale, il y a plus de gens qui croient au Québec qu'Elvis est vivant que ceux qui appuient Option nationale. Mais garde, on va le laisser dans son excitation là. Qu'est-ce qui se passe au PQ et comment tu réagis? C'est pure merveille. C'est pure merveille. Je pense que ça ressemble de plus en plus au Bloc québécois. Ça va... Ils vont descendre... L'idée ne partira pas, ça c'est sûr. Il n'y a pas plus... nation et religion, les deux plus grands malheurs de l'histoire de l'humanité, ça va continuer, il n'y a pas d'autre. Observe ce qui se passe partout dans le monde. On ne parle même en Catalogne, en Espagne. On ne parle que de séparation. Et les nationalistes ont la partie facile parce qu'ils font appel à ce qu'il y a de plus facile dans l'être humain, alors qu'on devrait se préoccuper plutôt que d'exacerber nos différences, on devrait se préoccuper de voir qu'est-ce qu'on a en commun, rechercher de plus en plus qu'est-ce qu'on a en commun. Mais les nationalistes jouent cette game que je trouve méprisable, à savoir, bien sûr, c'est toujours la faute de l'autre, et puis c'est l'autre qui nous empêche de nous réaliser. Et puis, en exacerbant comme ça, bien sûr, ça donne toujours davantage de haine vis-à-vis de l'autre, d'incompréhension vis-à-vis de l'autre. Mais pour revenir aux péquistes, ici, heureusement, c'est drôle. Ils sont carrément comiques et surtout d'une mauvaise foi, un peu pas mal gênante. Péladeau, par exemple, lui, c'était pour le Québec, hein, c'est son histoire là, d'intervention dans l'intérêt de ses affaires. Exact. Péladeau, ses affaires sont les affaires du Québec. C'est ça. Il y a comme un mariage entre les deux. C'est pareil. Et puis, pourquoi on verrait une différence, bien sûr? Et ça, c'est le fait de petites sociétés. Il n'y a pas de concurrence au Québec. Il n'y a pas de concurrence pour une raison bien simple. C'est trop petit. Et puis, en plus, on a peur de l'autre. On ne veut pas que la concurrence vienne de l'extérieur. Alors, ça débouche sur le résultat qu'on connaît. Et on dit propriété étrangère, hein, Régent, propriété étrangère, en pensant que c'est une compagnie du Qatar ou de l'Arabie Saoudite, alors que... C'est Rogers et Bell, souvent, dont on parle des compagnies qui sont au Canada aux dernières nouvelles. Moi, alors, Canadien, Péladeau a joué beaucoup cette game-là, bien sûr. Péladeau joue énormément cette game-là. Alors, tout ce qui est étranger, et puis forcément, dans le secteur des télécommunications, ça ne peut venir que de l'étranger, puisque au Québec, à part Péladeau, il n'y a personne. Mais il trouverait normal, lui, d'être premier ministre et de conserver la propriété du contrôle de l'information au Québec. Mais c'est péquiste, tout ça. Eux, ils peuvent tous permettre, d'ailleurs, comme les syndicalistes, c'est pas pour rien qu'ils sont toujours ensemble, ils peuvent tous permettre... Puis, ils trouvent ça normal, alors que si ceux qui pensent pas comme eux ou leurs adversaires faisaient seulement 10% de ce qu'ils font eux autres, alors là, qu'est-ce qui serait scandalisé? Merci beaucoup, Régent. C'était un plaisir. Passez une belle semaine. Bye-bye. C'était le retour de nos idoles avec Régent Botton. Il vous a demeuré live. Dans Morel.